Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes maintenant prêts à débuter le 12e chapitre de notre histoire de la Chine à dos de tortue. Nous avons vu au cours du chapitre précédent la manière dont les villes portuaires, ouvertes par la force des canonnières occidentales, ont contribué à l'émergence d'une nouvelle intelligentsia dans la Chine du 19e siècle. Au cours du chapitre 12 qui commence à l'instant, nous allons voir la manière dont cette nouvelle élite intellectuelle a mené la Chine vers la révolution républicaine de 1911. Et nous allons aussi prendre le temps d'observer les grandes lignes de l'établissement de la République à partir de janvier 1912, le tout en observant les principales tendances qui s'y rattachent au cours de la première décennie de son existence. Le premier point de ce chapitre s'intitule donc « La révolution Sinaï et la fondation de la République en 1912 ». Nous avons mentionné juste avant la pause le nom de quelques-uns des intellectuels chinois ayant eu un impact considérable sur la Chine, mais lorsque vient le temps de parler de la révolution républicaine, il convient bien sûr de présenter d'abord Sun Yat-sen, né en 1866, qui est lui aussi un intellectuel typique de cette période de l'histoire de la Chine en transformation. Même s'il est loin d'être le seul pour qui c'est le cas, son parcours politique et intellectuel est très représentatif de la période de bouleversement profond que représente la Chine de la fin des Qing et du début de la République. Originaire d'une famille de paysans pauvres, il a eu la chance de recevoir une éducation privilégiée et il a entretenu très tôt des liens particuliers avec les Américains et les Anglais qui étaient établis dans la région de Hong Kong. Un de ses frères a même émigré à Hawaï en 1878, ce qui lui permettra plus tard d'élargir le champ de ses horizons. Il a ainsi largement profité du contexte particulier de diffusion des idées nouvelles dans les villes portuaires et sa situation favorable lui a permis de voyager à l'étranger. Sun Yat-sen a commencé à développer une pensée politique dissidente à partir de 1884-85, à une époque où de plus en plus de Chinois commençaient à vouloir s'opposer aux Qing. Sa pensée politique a évolué considérablement au fil du temps, alors qu'il était d'abord un rebelle déloyal, devenant par la suite un révolutionnaire patriotique, jusqu'à se présenter finalement comme un républicain à l'occidental. La pensée politique qu'il a développée a été nourrie de l'expérience de la révolte des Taiping, ainsi que des révolutions françaises, anglaises et américaines, et ses idées maîtresses mettent à l'avant-plan la démocratie, l'indépendance et le nationalisme, ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. En 1894, Sun Yat-sen fonde à Shanghai le Xinchonghui, qui est la Société pour la revitalisation de la Chine. À cette époque, les membres du Xinchonghui se réunissaient en secret et ils étaient une vingtaine au départ. En 1895, la société tente de mettre en œuvre un coup d'État à partir de Guangzhou, dans l'extrême sud du pays, et l'exercice s'avère un échec lamentable. Puis, face à la répression politique qui s'ensuivit, Sun Yat-sen est obligé de s'exiler quelque temps au Japon. Après l'humiliation de la défaite de la Chine des Qing face au Japon en 1894-95, et surtout après l'épisode des boxeurs, Sun Yat-sen entreprend quelques voyages autour du monde entre 1902 et 1905, alors qu'il se rend au Japon, en Amérique, en France et en Angleterre. Et chaque fois, il en profita pour développer d'importants liens avec les communautés chinoises d'outre-mer. En 1905, Sun Yat-sen revient en Chine et fonde au grand jour la Tongmenghui, qu'on traduit par « Alliance révolutionnaire » ou parfois par « la Ligue jurée ». L'idée de base qui était le moteur de cette alliance révolutionnaire, c'était que les Manchous constituaient un obstacle à la modernisation de la Chine et que donc, pour sauver la Chine et l'empêcher de disparaître, le progrès et la survie du pays devaient nécessairement passer par le renversement des Qing. Fondée en 1905, l'Alliance révolutionnaire se voulait d'abord un regroupement de plusieurs petits groupes révolutionnaires et d'associations d'études. C'est aussi une alliance qui s'est nourrie d'un contexte dans lequel on voyait une importante montée du nationalisme des Han et une opposition croissante à l'égard des Manchous et de la dynastie Qing. L'objectif de la Ligue jurée était ouvertement de renverser la dynastie Qing et de mettre en place une république parlementaire, s'appuyant sur une constitution et ayant pour cœur la pensée politique de Sun Yat-sen. Formalisée en 1912, cette pensée politique révolutionnaire mettait en valeur ce qu'on appelle les trois principes du peuple, c'est-à-dire Sanmin-chui. Le point de départ de la pensée politique de Sun Yat-sen repose sur une vision cyclique de l'histoire. Inspiré fortement de sa compréhension de l'histoire de la Chine, alors que ce dernier remarque une alternance dans l'histoire entre différentes phases successives qui se répètent. D'abord, il remarque des phases de division dans la société qui entraînent le désordre partout dans le monde. Puis, le désordre appelle à l'unité. Mais l'unité conduit toujours au despotisme, et celui-ci mène à la division. Puis, le cycle reprend sans fin. Division, désordre, unité, despotisme. Division, désordre, unité, despotisme. Et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Pour Sun Yat-sen, il s'agit là de phases historiques qui alternent et qui se succèdent continuellement à travers l'histoire. Et la seule manière possible de briser ce cycle infernal serait de mettre en place une véritable révolution qui reposerait sur ce qu'il nomme les trois principes du peuple. Les trois principes du peuple de Sun Yat-sen se nomment Minzu, Minchuan et Minsheng, ce qui se traduit habituellement par nationalisme, démocratie et socialisme. À noter par contre qu'à l'origine, Minzu désignait un nationalisme qui mettait surtout en valeur l'ethnicité Han contre le pouvoir des Manchous ainsi que le principe de responsabilité civique. Avec le temps par contre, avec la fondation de la République, cette vision du nationalisme va s'étendre aux divers peuples de la Chine. Pour sa part, le concept de démocratie Minchuan désigne d'emblée la souveraineté populaire ainsi que les droits et les pouvoirs du peuple. Et de la même manière que pour le concept de nationalisme, le concept de démocratie connaîtra d'importantes fluctuations sémantiques selon l'évolution géopolitique durant les premières années de la République. Finalement, le concept Minsheng, qu'on traduit souvent par « socialisme », devrait plutôt être traduit par « qualité de vie du peuple », pour le distinguer clairement d'avec l'idéologie socialiste qui va gagner du terrain chez les intellectuels chinois à partir des années 1920. Ça étant dit, revenant au contexte de la stagnation politique dont nous avons parlé la semaine dernière, suite à la mort de l'impératrice douairière Cixi et de l'empereur Guangxu en 1908, ainsi que l'avènement de l'empereur Puyi, alors âgé de 3 ans, on voit que la tourmente révolutionnaire ne cessait de gagner du terrain en Chine. Et c'est finalement la crise ferroviaire qui a mis le feu aux poudres et qui a provoqué la chute de la dynastie Qing. Tout commence en 1910, alors que dans le contexte de reconsolidation du pouvoir des Qing et de ce qu'on a vu comme le dernier effort de modernisation lancé par la dynastie suite à l'humiliation de la défaite des Boxers, le gouvernement impérial tentait d'instaurer un réseau central ferroviaire. L'objectif de la mise en place de ce réseau ferroviaire équivaudrait en quelque sorte à une nationalisation de l'ensemble des réseaux ferroviaires sur tout le territoire de la Chine. Et c'est un projet qui était aussi partiellement financé par l'étranger. En 1911, le gouvernement a promulgué un édit impérial qui venait officialiser la concrétisation de ce projet de nationalisation du chemin de fer, et de nombreuses provinces s'y sont opposées de manière catégorique. Cette opposition tenait au fait que la nationalisation des réseaux de chemin de fer aurait eu pour effet de réduire l'autonomie des provinces sur la gestion de ces réseaux et donc du transport, et surtout aurait eu pour conséquence une importante diminution des revenus au niveau local. De nombreuses provinces étaient alors au bord de l'insurrection, notamment le Hunan, le Hubei, le Guangdong et le Sichuan. Mais finalement, le 9 octobre 1911, c'est l'explosion accidentelle d'une bombe artisanale qui va provoquer le déclenchement de la révolution. Alors que les autorités manchoues se préparaient à investiguer sur les causes de cette explosion accidentelle et sur le lieu où elle s'était produite, les rebelles décidèrent qu'ils ne pouvaient plus attendre et ainsi risquer de tout perdre. C'est alors qu'ils sortirent au grand jour et lancèrent les premières attaques contre la dynastie Qing le 10 octobre 1911 dans le district Wuchang de la ville de Wuhan. Sun Yat-sen était alors à Denver, au Colorado, lorsque l'événement s'était produit. Et c'est dans les journaux qu'il a appris ce qui venait de se passer en Chine. Rapidement, Sun Yat-sen s'est rendu à Londres et à Paris pour négocier la non-intervention des puissances étrangères afin de laisser aux rebelles chinois la place dont ils avaient besoin pour renverser les Qing. Des déclarations d'indépendance de plusieurs provinces se succédèrent rapidement. Le Jiangsu le 3 novembre, le Sichuan le 22 novembre, le Shandong le 12 décembre. Plus que jamais, le pays était morcelé et on voyait les divisions entre le nord et le sud qui étaient de plus en plus marquées. Mais aussi, les divisions importantes entre la Chine continentale et la Chine du littoral. Le 25 décembre 1911, Sun Yat-sen fut élu président provisoire de la République et le 1er janvier 1912, la République de Chine fut officiellement fondée, prenant la ville de Nankin pour capitale. Et pendant ce temps, l'empereur était toujours au pouvoir à Pékin et la dynastie Qing se préparait toujours à lancer son projet de monarchie constitutionnelle. Et c'est ainsi que nous commençons le deuxième point de notre chapitre afin d'explorer la République sous Yuan Shikai. La République de Chine a été fondée le 1er janvier 1912, avec comme capitale la ville de Nankin. Par contre, à ce moment, la cour impériale des Qing était toujours installée à Pékin, au nord, et le pays était profondément morcelé et divisé. Yuan Shikai a alors réussi à convaincre Sun Yat-sen qu'il pouvait obtenir l'abdication de l'empereur au profit de la République, ce qui permettrait alors d'avoir une transition politique complète sans qu'il n'y ait la moindre effusion de sang. La seule chose que Yuan Shikai demandait en retour, c'était d'obtenir pour lui-même la présidence de la République. De son côté, Sun Yat-sen voulait d'abord obtenir la paix et surtout sauvegarder l'unité nationale, qu'il savait alors en grave péril. Et de manière plus pragmatique, Sun Yat-sen savait aussi que les rebelles n'avaient pas d'armée organisée et qu'ils n'avaient pas non plus l'équipement requis pour se lancer dans une guerre d'usure contre l'armée impériale de la dynastie Qing. Pour toutes ces raisons, Sun Yat-sen accepta la proposition faite par Yuan Shikai à condition que ce dernier vienne gouverner la République à partir de la capitale de Nankin. Et c'est ainsi que, le 12 février 1912, Yuan Shikai fut à son tour nommé président de la République de Chine. Yuan Shikai, c'était l'un des généraux parmi les plus influents de l'époque et il gravitait autour de l'entourage impérial depuis la fin du 19e siècle. Défenseur de l'ordre établi et des traditions, il avait d'abord été impliqué dans la suppression des 100 jours de Guangxu, puis par la suite dans la répression du mouvement des boxeurs, après avoir initialement supporté le mouvement. Partisan avoué de l'établissement d'une monarchie constitutionnelle, Yuan Shikai a longtemps été à la tête de l'armée de Peiyang, l'armée moderne la plus puissante de Chine. Solidement enraciné dans les provinces entourant la capitale, notamment le Liaoning, le Hebei et le Shandong. Fort de nombreuses connexions avec nombre de généraux influents au sein de cette armée, Yuan Shikai avait donc à sa disposition les moyens militaires requis pour faire pression sur le gouvernement manchou et ainsi obtenir l'abdication impériale. C'est ainsi qu'il devint président en février 1912, puis rapidement, une constitution provisoire fut adoptée dès le mois de mars 1912, en suivant le modèle américain de la séparation des pouvoirs entre une Chambre des représentants et un Sénat. La vie politique républicaine s'organisait rapidement, alors qu'au mois d'août 1912, le Tongmenghui de Sun Yat-sen, soit l'Alliance révolutionnaire, devint officiellement un parti politique, prenant le nom de Kuomintang, dont la base idéologique reposait sur les trois principes du peuple de Sun Yat-sen. La vie républicaine fut toutefois malmenée rapidement par son nouveau président, puisque le 20 mars 1913, Song Tiaozhen, un des leaders du Kuomintang, fut assassiné dans des circonstances nébuleuses. Pour plusieurs spécialistes, sa mort symbolise non pas la fin de la République, mais du moins la fin d'une certaine vision du parlementarisme républicain. En fait, l'assassinat de Song Tiaozhen montre, d'une part, que la notion d'opposition politique n'avait pas encore sa place en Chine et surtout, d'autre part, la superficialité des réformes politiques ainsi que la fragilité de la jeune République. En fait, jusqu'à l'été 1915, Yuan Shikai va tout mettre en œuvre afin de renforcer son emprise sur le gouvernement central et ainsi affaiblir les composantes de la République. On assiste alors à l'établissement d'un État policier très strict, avec d'importantes restrictions des libertés civiles et une augmentation de la censure politique. À titre d'exemple, on voit que les associations professionnelles furent infiltrées par les partisans du gouvernement, un point tel qu'on assiste déjà à une véritable agonie de la société civile. De plus en plus, les partisans d'un ordre autoritaire remettaient à l'avant-plan le retour aux valeurs strictes du confucianisme pour justifier l'instauration d'un contrôle social beaucoup plus poussé. Les événements se bousculaient rapidement à l'époque, et les quelques dates qui suivent montrent comment la République devint une véritable mascarade politique complètement illusoire. D'abord, le 8 octobre 1913, Yuan Shikai fut élu président. Puis, un mois après, soit le 4 novembre 1913, le Kuomintang a été déclaré hors la loi. Toujours en novembre 1913, on assiste à la dissolution du Parlement, puis en janvier 1914, à la suppression complète du Parlement. Quelques semaines plus tard, une nouvelle constitution fut promulguée, dans laquelle Yuan Shikai était consacré président de la République à vie. Finalement, en décembre 1915, une mise en scène d'assemblée représentative fut organisée afin de tenir un vote sur la restauration impériale. Le résultat du vote fut de 1993 personnes qui étaient en faveur de la restauration impériale contre zéro qui était contre. Les réactions furent pratiquement instantanées et la mascarade politique mena à une fragmentation et au morcellement territorial de la Chine. Alors que plusieurs provinces déclarèrent leur indépendance, refusant de reconnaître le résultat de ce pseudo-scrutin. Notons le Yunnan qui se sépara dès décembre 1915, le Guizhou en janvier 1916 et le Guangxi en mars 1916. Yuan Shikai est mort le 6 juin 1916, avant même d'avoir réussi à finaliser son projet de restauration impériale. Et c'est Tran Tzu-jae qui lui succéda à la tête de la République de Chine. Mais ce dernier n'avait pas la prestance de Yuan Shikai et la Chine se retrouva alors dans une période de désunion et d'éclatement total, alors que pour plusieurs, les jours de la République étaient comptés. Et nous reviendrons sur ce thème la semaine prochaine. Mais pour terminer la rencontre d'aujourd'hui, on revient à notre thème de la prière, avec un groupe qui se nomme Twig, ce qui signifie « backspace » en anglais, alors qu'il nous offre une pièce intitulée « Ta Xiang Pao Zhang », ce qu'on pourrait traduire par « Le trésor de l'éléphant ». En lisant les paroles, on a l'impression de se retrouver dans une immense piñata, comme une grande prière à ciel ouvert, un sacrifice ancien alors que tous s'assemblent en sifflant et en frappant pour ouvrir le ventre de l'éléphant et sortir tout l'or qu'il contient, afin de pouvoir en partager les richesses pour le plus grand nombre. Mais ce trésor de l'éléphant peut aussi faire penser au Ta Xiang Zhang, une sorte d'encens tibétain qui serait apparu en Chine à l'époque de la dynastie Song et au sujet duquel on raconte dans certains livres classiques du bouddhisme, dont le Sutra Avatamsaka, qu'il serait né d'un combat de dragons et qu'il produirait, lorsqu'on le brûle, une grande lumière et une douce rosée qui serait bénéfique pendant plusieurs jours. En espérant que la lutte entre les deux géants dont nous parlons à chaque semaine dans l'actualité sera comparable à cette lutte entre deux dragons et que de celle-ci pourrait naître un trésor aussi riche que cet encens de l'éléphant, un trésor qu'il nous resterait ensuite à partager afin que tout le monde puisse en profiter. D'ici là, voici donc la chanson « Elephant Treasure » Ta Xiang Pao Zhang du groupe Backspace. Mon nom est Carl Derry, je vous dis à la semaine prochaine. 我们下次再见吧.